Chapitre 27e. Grand Dieu, j'entends du bruit. Ma chère maman, sauvez-vous. Comment se serait-elle sauvée? Elle se trouvait sans lumière dans un appartement inconnu, dont les détours m'étaient à moi-même peu familiers. Je voulus favoriser sa fuite, et la prenant par la main, je tâchai de trouver la porte du cabinet de toilette. Je n'en eus pas le temps. L'autre porte du boudoir s'ouvrit trop tôt. Trop tôt favorisée du hasard et de l'amour qui guidait dans les ténèbres sa marche rapide, Madame de Lignol atteignit le couple amant que son approche épouvantait. « Enfin, c'est vous, mon ami, » dit-elle, en baisant une main qu'elle venait de saisir. Et ce n'était pas ma main qu'elle baisait. La marquise, tout à coup retenue, n'osait plus faire un mouvement. Et moi, qui concevais sa crainte et son embarras mortel, je me hâtais de me jeter entre elle et Madame de Lignol, et par conséquent, de couvrir de mon corps celui dont la comtesse tenait captif un membre essentiel qu'elle continuait de caresser tendrement. « C'est vous, mon ami, » répéta-t-elle. Forcée de lui répondre, je fus, dans mon trouble extrême, assez injuste pour lui faire un crime d'avoir avancé l'instant du rendez-vous. « Pourriez-vous trouver que je suis trop tôt venu ? » me répondit-elle. « J'ai vu le baron très occupé de sa partie. Je n'ai pu maîtriser mon impatience. J'ai profité du moment de m'esquiver. » « Et vous avez eu tort, madame. Il ne fallait pas vous presser. Il fallait attendre. Je vous en avais prié. Vous me l'aviez promis. Mon père va s'apercevoir de votre évasion. Mon père va venir. » « Hélas, je ne croyais pas si bien dire. Il accourait dans le moment même. » Un cri d'effroi m'échappa. « Ma chère maman, vous êtes perdue. » Le baron, armé d'une bougie fatale, s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Et quelle scène, il éclaira. D'abord lui-même, qui comptait ne trouver qu'une femme avec son fils, ne fut pas médiocrement étonné d'en voir deux qui se tenaient amicalement par la main. Madame de Lignol ensuite, Madame de Lignol également indignée, honteuse et surprise, montrait assez sur son visage où se peignaient les combats de plusieurs passions contraires, qu'elle ne pouvait ni me pardonner l'infidélité que sans doute je venais de lui faire, ni se pardonner à elle-même les sottes caresses dont il n'y a qu'un instant elle accablait sa rivale qui, toute droite plantée contre la muraille, ne donnait pas signe de vie. Mais vous jugez que des quatre acteurs de cette étrange scène, je ne fus pas le moins stupéfait lorsqu'un coup d'œil furtivement jeté sur l'infortunée statue m'eût fait connaître. Je la regardai trois fois encore avant de me persuader que mes sens eussent pu m'égarer à ce point. Cette femme, dans les bras de laquelle j'avais cru posséder la plus belle des femmes, ce n'était qu'une brunette passablement gentille, celle en qui tout à l'heure j'idolâtrais Madame de B. Ce n'était que Justine. Elle s'en aperçut aussi, la maligne comtesse qui, d'un regard méprisant, parcourait de la tête aux pieds son indigne rivale. « Madame est apparemment Madame de Montdésir, » lui dit-elle. Justine, qui venait de se remettre, paya d'effronterie et répondit d'un petit ton moqueur « À vous servir, madame. »« Madame est peut-être mariée ?» reprit la comtesse. « Oh, tout ce qu'il y a de plus marié, madame. »« Que fait le mari de madame ?»« Hélas, tout ce qu'il peut. Et le vôtre, madame ?»« Rien, » répliqua la comtesse avec humeur. « Vous êtes bien hardi de m'interroger. Répondez seulement aux questions dont on veut bien vous honorer. » « Je vous demande ce que fait votre mari, quel est son état, son métier, ce qu'il est, enfin. »« Ce qu'il est ? Mais il est ce qu'apparemment le vôtre est aussi, madame. » J'avoue qu'ici, j'eus avec Madame de Lignol un tour nouveau. Cette saillie de Justine était amusante, sans doute, mais je ne devais pas en rire aux éclats devant la comtesse, comme je le fis. Il est vrai, puisque je suis en train de tout dire, il est vrai que l'impatiente petite personne me punit rigoureusement. Elle me donna, oui, je crois que c'est un soufflet qu'elle me donna. On devine que mon père ne resta pas paisible spectateur d'une scène aussi scandaleuse. Mais il n'est pas superflu de compter comment il y mit fin, comment il vengea mon affront. Au bruit de la sonnette vigoureusement tirée, accourut un domestique à qui M. de Bellecour ordonna d'éclairer Madame de Montdésir jusqu'à la porte de la rue. Puis il adressa la parole à la comtesse. « Madame, j'ai peut-être trois fois votre âge. Je suis père et vous êtes chez moi. Je me vois donc obligé de vous dire sans détour ce que je pense de votre conduite. Elle est tellement inconsidérée, et vous devez, madame, me remercier de ce que, par un reste de ménagement, je ne me sers pas d'une expression plus forte. Elle est tellement inconsidérée que je ne vois d'excuse que dans votre extrême jeunesse. Si mon fils a des maîtresses, madame, ce n'est point ici qu'il les peut recevoir. Et toute femme qui conservera quelque idée des bienséances ne choisira jamais, pour donner des rendez-vous au chevalier, la maison de son père et l'appartement de sa jeune épouse. Enfin, madame, une femme bien élevée, une femme de qualité surtout, se gardera bien de traiter son amant, fût-il véritablement très coupable et fût-elle seule avec lui, comme vous n'avez pas craint de traiter le vôtre en ma présence même. » Madame de Lignolles demeura quelque temps interdite. Le baron continua d'un ton sévère. Toutes les fois que madame la comtesse, seulement l'amie de monsieur de Bellecour et du chevalier de Florville, voudra bien faire quelques visites à l'un et à l'autre à la fois, elle les honorera tous deux également. Mais aujourd'hui, vous retenir plus longtemps, madame, ce serait, je pense, abuser de l'embarras de votre situation. Mon fils, allez au salon. Dites à la baronne que madame la comtesse, qui veut s'en aller tout à l'heure, l'a prie de la reconduire chez elle et l'attend dans sa voiture. Madame, permettez-moi de vous accompagner jusqu'en bas. La comtesse, si furieuse qu'elle en perdait la raison, repoussa la main de mon père et lui dit « Non, monsieur, je descendrai bien toute seule. Vous me renvoyez de chez vous » ajouta-t-elle de ce ton impérieux que je lui avais vu prendre avec son mari. « Mais souvenez-vous-en. Venez chez moi quelques jours. Venez-y, vous verrez. » Je n'entendis pas ce que monsieur de Bellecour répondit à cette menace qui dut l'étonner. Jaloux de réparer au moins par ma docilité les étourderies dont je me sentais coupable, jaloux d'apaiser mon père justement irrité, je m'acquittai déjà de sa commission auprès de la baronne, qui, surprise du brusque départ de la comtesse, m'en demanda la cause. Je protestai que madame de Lignolles lui raconterait mieux que moi, dans tous ses détails, le malheureux événement qui me privait sitôt du bonheur de la voir. Madame de Fontrose prit la main du vicomte et descendit. Je l'accompagnai jusque dans le vestibule. De là, j'entendis l'impatiente comtesse, pour toute réponse, lui criait sans relâche « Ah, le perfide! Ah, l'ingrat !» Que le reste de la soirée s'écoula lentement, et quand le moment de me coucher fut venu, qu'il me parut pénible d'occuper tout près de l'appartement aux deux grands lits, la chambre qui n'avait qu'un lit très étroit. Cependant, il faut convenir que j'étais là moins mal qu'à la Bastille. Dans ma prison, j'appelais ma mort. Chez moi, ce fut le sommeil que j'invoquais. Mon indigne prière fut rejetée, je n'obtins ni le sommeil réparateur, ni les heureux songes, et pendant toute la nuit, il me fallut donner des larmes à l'absente.